Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, aujourd'hui nous allons parler des insectes. Mi-octobre, une étude allemande faisait grand bruit. En 30 ans, près de 80% des insectes auraient disparu dans les zones protégées du pays. Étude qui vient confirmer ce que de nombreux chercheurs constatent depuis plusieurs années. Les populations d'insectes et notamment les pollinisateurs sont en chute libre. Oui, mais voilà, à part les abeilles et peut-être les papillons, et contrairement aux vertébrés, les insectes n'intéressent pas grand monde. On parle d'hécatombe invisible ou de majorité négligée. Mais peut-on survivre sans les insectes et est-il encore temps de les sauver ? Insectes, mais où sont-ils tous passés? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir à la recherche non seulement des insectes, mais de la cause de leur disparition et tenter d'en faire le recensement, ou en tout cas recenser ceux qui restent, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos collègues de France Bleu Provence à Aix, Benoît Gélin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Aix-Marseille, chercheur à l'Institut Méditerranée de Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale. Et nous sommes ici dans le studio de France Culture à la Maison de la Radio avec François Lasserre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, auteur notamment du Musée vivant des insectes avec Anne de Angelis. C'est aux éditions de la Martinière. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors on va revenir, si vous le voulez bien, pour commencer sur cette étude dont on a retenu ce chiffre saisissant, 80% de disparition d'insectes sur 30 ans. Évidemment, c'est une proportion très inquiétante, mais on va revenir avec vous, si vous le voulez bien, un peu dans le détail. Cette étude, elle a été publiée le 18 octobre dernier dans la revue PLOS ONE. Elle indique donc qu'en 27 ans exactement, la biomasse des insectes, la biomasse, et c'est important, vous allez le voir, a diminué de plus de 75%. Étude quantitative, pas qualitative, sur des zones protégées en Allemagne. Est-ce que vous pouvez, peut-être François Lasserre, en faire un peu le tour? Qu'est-ce que nous dit exactement cette étude? Cette étude nous dit que tous les animaux confondus, tous les insectes, pardon, vous voyez, pour moi tous les animaux sont des insectes, c'est une déformation professionnelle, tous les insectes volants, quels qu'ils soient, ont diminué de quasiment, parfois 80% dans certains coins d'Allemagne, et pourtant c'était des endroits un peu préservés. Mais c'est tous les insectes confondus, tous ceux qui ont des ailes. On parlait tout à l'heure des insectes sans ailes, effectivement beaucoup d'insectes ont des ailes, mais il y en a qui n'ont pas d'ailes. Mais là, avec ces pièges-là, cette méthode, ils ont piégé les insectes qui volaient. Quelle méthode exactement a été utilisée ? Ce sont des pièges qui attirent les insectes ou qui les bloquent contre une vitre qui sont un peu en hauteur, qui les bloquent contre une vitre et ensuite ils tombent dans un liquide qui les noie, et les chercheurs vont aller chercher tous ces insectes morts. Puisque malheureusement encore aujourd'hui, on est quasiment obligé de tuer les insectes, enfin certains individus, pour les identifier, parce que l'identification des insectes, c'est un travail gigantesque, et on est souvent obligé de les disséquer jusqu'à aller à la dissection pour identifier telle ou telle espèce. On entend deux choses, c'est-à-dire que d'une, l'étude porte effectivement, Benoît Gélin, sur la biomasse des insectes, donc on parle de la quantité, c'est parce que je disais quantitative et pas qualitative, et on ne parle encore une fois que des insectes volants pour le moment. Oui, alors c'est la méthode d'échantillonnage qui veut ça, parce qu'effectivement ce sont des tentes malaises, ce qu'on appelle des tentes malaises, qui ont été utilisées. Donc en fait ce sont des tentes qu'on pose dans un pré, dans un milieu ouvert, très souvent, et les insectes vont remonter le long de la toile et se trouver piégés dans l'alcool. Et donc ce qu'ont fait les chercheurs, l'équipe allemande, ils ont en fait simplement pesé ces insectes, ils les ont stockés pendant 27 ans et ils les ont pesés, ils ne les ont pas identifiés. Donc effectivement, comme vous l'avez précisé, c'est du quantitatif et pas du qualitatif. Est-ce que ça veut dire qu'on peut d'ores et déjà extrapoler sur ce chiffre hein, autour de 80% de diminution en 30 ans on a souvent évoqué autour de ces études la méthode dite du pare-brise et tous les gens qui ont l'habitude de faire des trajets en voiture en zone rurale pour la plupart ont bien constaté qu'effectivement il y a 30 ans les pare-brises au bout de 2 heures de route étaient couverts d'insectes et qu'aujourd'hui il y en a nettement moins. Est-ce que ça veut dire qu'on peut extrapoler Benoît Gélin à partir de cette étude pour dire que ça concerne certainement également les insectes non volants et c'est certainement pire dans les zones non protégées? Bah écoutez, c'est très difficile d'extrapoler, en tout cas d'en être sûr. Néanmoins, on commence à avoir tout de même un faisceau de preuves, un faisceau d'évidence qui nous dit que tous les voyants sont au rouge au niveau de la diversité des insectes et de leur abondance, bien qu'on manque encore énormément de données pour pouvoir conclure sur tous les ordres d'insectes et a fortiori sur toutes les espèces. Oui, alors c'est évidemment, les entomologistes ne sont pas nombreux. Hein. Mm-hmm. Si on demande autour de nous, est-ce que vous connaissez un entomologiste, ben, il n'y en a pas beaucoup, donc on n'est pas très nombreux. Mais il y a quand même il y a une étude qui est amusante, qui est liée à... Vous parliez du syndrome du pare-brise. Mm-hmm. Il y a un chercheur « fou », entre guillemets, de l'INRA, qui dans les années 90 avait mis des scotchs à l'avant de sa voiture, d'une voiture. Il avait mis en place un protocole, il avait mis du scotch sur la plaque d'immatriculation, les phares, le pare-brise, etc. Puis il avait fait des allers-retours dans différentes régions, près de Fontainebleau, dans les Vosges, de mémoire. Et il avait compté ensuite le nombre d'insectes écrasés sur ces scotchs. Et cette étude a été refaite dans les années vers 2014, je crois, et il y a effectivement 30% d'insectes en moins, et c'était pourtant des zones un peu préservées, comme la forêt de Fontainebleau ou les Vosges. Donc il y a une autre étude... près de Chizé, une collaboration entre le CNRS et l'INRA qui le montre. Et puis l'OPI, par exemple en Île-de-France, en 21 ans, sait que l'Office pour les insectes et l'environnement, donc les naturalistes de l'OPI, savent qu'il y a moins 25% de libellules en moins en 21 ans en Île-de-France. Donc ce chiffre-là est absolument... De 80% est gigantesque, mais de toute manière, on sait qu'au moins 20, 30%, 40%, c'est assez commun. C'est vrai que sur ces études, on peut citer une autre étude qui avait été faite en Grande-Bretagne sur 4 sites au lieu de 63 là, pour l'étude allemande, qui était publiée en 2009. On arrive toujours à des chiffres qui sont... En fait, on constate, Benoît Gélin, une baisse. Effectivement, vous le dites, il y a un faisceau d'évidence qui devient incontestable. Mais pour autant, on a du mal exactement à quantifier, on a du mal à rentrer plus précisément dans des informations, dans des études, dans des expériences qui nous permettraient d'y voir un peu plus clair sur ce phénomène, l'ampleur de cette disparition, et dans la diversité, et dans la quantité. Et oui, parce que tout simplement, les insectes sont difficiles à identifier, les insectes sont difficiles à trouver, les insectes sont difficiles à piéger. Il y a effectivement de moins en moins de taxonomistes qui sont capables d'identifier ces insectes, d'aller à l'espèce. Souvent, moi, au quotidien, dans mon laboratoire de recherche, on se retrouve confronté à des collègues taxonomistes qui sont débordés, car ils sont simplement quelques-uns à pouvoir identifier nos abeilles à l'espèce. Et du coup, il devient difficile de quantifier la perte d'abondance et la perte de diversité. Néanmoins, là, pour le coup, je citerai une étude qui a été faite aux USA, qui était parue en 2013. Et c'est une étude qui a repris des données de réseaux d'interaction qu'avait compilé un scientifique au 19e siècle. Et il a montré que 120 ans, enfin, cette étude a montré que 120 ans après, en retournant dans cette zone où le scientifique avait compilé ces réseaux d'interaction, on avait perdu 50% des interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Donc, en fait, d'une manière générale, on a beaucoup beaucoup de mal à quantifier, parce que rien que sur les abeilles, la liste rouge IUCN qui a été publiée en 2014 sur les abeilles nous dit qu'il y a pour plus de 50% des espèces une absence d'information sur leur réelle répartition. Néanmoins, à chaque fois qu'on met le nez dedans et qu'on arrive à suivre quelques populations ou arrive à suivre quelques espèces, on se rend compte qu'elles ont tendance à perdre en abondance et en diversité. Que faut-il penser, François Lasserre, du fait que cette étude porte sur les zones protégées? Je lisais en préparant cette émission un responsable associatif britannique, puisqu'on va voir que pour ce qui est de l'entomologie, les associations ont un rôle crucial, et souvent des associations soit d'entomologistes amateurs, soit de citoyens. Un réseau associatif disait qu'en fait, si ces études portent sur des zones dites protégées, c'est parce que simplement, il n'y a quasiment plus d'insectes ni d'animaux dans les terres cultivées, ils fuient vers des endroits plus propices à la vie. Ça veut dire qu'on a complètement détruit toute biodiversité dans les espaces agricoles? Alors, ce qui est vrai, oui, alors, en quelque sorte, c'est-à-dire que les insectes, ils ont aussi un gros problème, c'est qu'ils sont très diversifiés, donc c'est super, mais du coup, ils se sont extrêmement spécialisés. Et du coup, pour avoir une diversité d'insectes, et comme ils sont très liés, il faut avoir une diversité floristique, et faunistique, et de choses, et de tout ce que vous voulez, puisque chacun s'est spécialisé. Donc, il y a un nombre incalculable de papillons qui ne peuvent pas vivre sans la plante qui accueille leurs chenilles. On appelle ça des plantes hôtes. Et donc, ils sont très spécialisés. Donc, si vous leur mettez des hectares et des hectares de colza, les insectes qui ne mangent pas de colza ne vont pas aller sur le colza. Ils peuvent pas, comme ça, rebondir. Quelques insectes sont opportunistes et vont à droite à gauche, mais ils sont pas très nombreux, ou c'est les insectes ordinaires que l'on connaît. Mais sinon, tous les autres très spécialisés, à partir du moment où vous supprimez absolument toute la flore et tous les habitats, tous les petits endroits où ils pourraient mettre leur nid, s'abriter, etc., et que vous mettez qu'une seule espèce de plante, comme du maïs ou du colza, c'est une évidence pour les naturalistes. Évidemment, vous n'aurez pas de diversité d'insectes. Benoît Gélin, ça veut dire qu'effectivement, s'il faut s'inquiéter pour les zones protégées, ça veut dire qu'il y a des zones qui sont devenues des zones sinistrées d'ores et déjà ? Oui, oui, moi je rebondis sur ce que dit François. Le maître mot de l'écologie, c'est l'hétérogénéité. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Pendant mon post-doctorat, je l'ai effectué en Argentine, dans une zone de culture de pommiers poiriers. Et à la base, pendant mon post-doctorat, j'étais censé étudier les abeilles sauvages qui pollinisaient les pommiers et les poiriers. Et en fait, on s'est rendu compte en arrivant sur la zone qu'il n'y en avait pas. L'intégralité du service de pollinisation était rendue par des espèces, par Apis mellifera, l'abeille domestique, qui était apportée dans des ruches. Et sans ces ruches qui étaient apportées artificiellement par l'homme, il n'y avait pas de service de pollinisation possible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de reproduction du poirier, du pommier possible. Les espaces agricoles sur place étaient virtuellement morts pour la faune d'insectes. Il n'y avait plus rien. Donc c'est vrai que c'est assez effrayant quand on arrive dans ces écosystèmes-là. On le disait tout à l'heure, hein, l'un et l'autre, Benoît Gélin, François Lasserre, vous le disiez, les insectes sont une majorité qu'on dit négligée. C'est vrai que dans la protection de la biodiversité, on parle souvent des vertébrés, on parle très peu, très rarement des invertébrés, mais là aussi, il y a double régime. Hein. Il y a certains insectes dont on parle un peu plus, notamment évidemment les abeilles domestiques, le syndrome d'effondrement des colonies. Écoutez, cette archive, elle date d'il y a 10 ans déjà. Regarde cette abeille, elle est incapable de voler. Elle est incapable de voler. C'est pas normal. Les apiculteurs ont un problème. Leurs abeilles ne reviennent pas à la ruche et meurent de façon inexpliquée. Cette année en Provence, 30 professionnels viennent de subir d'importantes pertes. Et pour eux, pas de doute. Les ruches sont superbes. Vous les portez sur la lavande, vous repassez 8-10 jours après, vous n'avez plus personne dans les hausses. Toutes les butineuses sont mortes. Oh, 90 chances sur 100, c'est un traitement sur les végétaux sur lesquels on était. Dans ce cas-là, c'est la lavande. En Vendée, cet été, 7000 ruches auraient été intoxiquées par des pratiques illégales d'épandage de pesticides. 50 apiculteurs portent plainte. En France, le gaucho et le régent, deux insecticides qui enrobent les semences de tournesol et de maïs, ont été interdits en 1999. Mais c'est insuffisant, selon les apiculteurs. Pourtant, il existe aussi d'autres causes de mortalité, comme le changement climatique, les parasites ou les virus. Ces facteurs peuvent agir soit indépendamment les uns des autres, mais aussi en conjonction. Et dans ce cas-là, on pense aux interactions entre les maladies et les polluants d'un autre côté. Les polluants peuvent affaiblir les abeilles de façon à ce qu'elles soient plus sensibles aux maladies, mais d'un autre côté, les maladies peuvent affaiblir les abeilles de façon à ce qu'elles soient plus sensibles aux polluants. Si les abeilles domestiques disparaissent, les abeilles sauvages aussi. 1000 espèces d'abeilles peuplent la France, 20 000 dans le monde. Elles sont toutes nécessaires à la pollinisation. Sans abeilles, ce sont les melons qui disparaissent, les fraises, les courgettes, les carottes ou encore les poires. Ça va se traduire au point de vue de l'agriculture par des rendements plus faibles et une qualité des produits beaucoup plus faible. Vous imaginez, on ne va pas s'amuser à polliniser un hectare de pommiers à la main. Bon. Et au niveau de l'environnement, ça va se traduire par des changements majeurs, puisque je vous ai dit 80% de la flore est pollinisée par les insectes et principalement par les abeilles. Quand les abeilles disparaissent, les apiculteurs aussi. En France, on en compte 1500 en moins, pour une production réduite à 20 000 tonnes au lieu de 30. Voilà une archive du journal télévisé qui date de 2007. On se soucie, en tout cas l'opinion publique se soucie aujourd'hui un peu plus des abeilles, on l'a entendu, des pollinisateurs en règle générale. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, François Lasserre, de l'influence? On entend beaucoup aujourd'hui des pesticides, mais on va voir qu'il n'y a pas que les pesticides et que c'est certainement multifactoriel. Mais est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'impact sur l'écosystème de l'ensemble des insectes? Est-ce qu'on peut retourner un peu dans cette grande famille des insectes et ne pas seulement regarder les pollinisateurs par crainte de ne plus avoir de melon l'été dans son assiette? C'est compliqué. Les entomologistes sont extrêmement peu nombreux. Alors du coup, de temps en temps, on fait appel au grand public avec des programmes de sciences participatives parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que les scientifiques ne peuvent pas avoir suffisamment de données, peuvent pas collecter ou voir suffisamment d'insectes. Donc ils lancent des programmes de sciences participatives, c'est-à-dire qu'on demande aux citoyens, avec un petit protocole assez simple, de compter, par exemple. Alors ça peut être quelque chose de très simple comme les papillons dans les jardins. Et puis il y a des protocoles un peu plus complexes. Et du coup, ça permet d'avoir beaucoup de données. Il y a un programme qui fonctionne très bien qui s'appelle le suivi photographique des insectes pollinisateurs, le SPIPOL, qui est porté par l'OPI et Viginature du Muséum, et qui apporte un grand nombre de données qu'on n'aurait jamais pu obtenir sans l'aide des citoyens photographes. Benoît Gélin, est-ce qu'on peut peut-être redire un peu le rôle ou la place, parce que les insectes, on l'a beaucoup dit, sont souvent considérés comme des nuisibles, il faut s'en débarrasser à l'intérieur, à l'extérieur des maisons, utiliser des pesticides. Bref, pour s'en débarrasser le plus possible, est-ce qu'on connaît, outre les pollinisateurs et leur rôle dans la production de fruits, on l'a entendu, le rôle, la place que tiennent les insectes dans un écosystème naturel, je vais dire lambda, ou en tout cas entre guillemets protégé, c'est-à-dire qui n'a pas été détruit par l'emploi de pesticides agricoles? Ah bah cette place elle est majeure. Il n'y a pas que évidemment que le service de pollinisation. Il y a également l'herbivorie, donc les insectes, une grande partie des insectes sont herbivores, donc ils vont consommer des plantes. Il y a le retraitement de la matière organique. Il y a la structuration du sol, puisqu'ils vont permettre également l'aération et la création de la matière organique du sol. Ils peuvent être également nécessaires, comme alimentation pour les oiseaux, parce que c'est toute la chaîne trophique qui est modifiée si les insectes disparaissent. Et puis on oublie trop souvent, mais de nombreux insectes servent également de lutte contre les ravageurs des cultures. On peut parler des insectes parasitoïdes qui vont aller pondre dans les œufs ou dans les larves des ravageurs des cultures et qui vont permettre comme ça un contrôle biologique de la présence des ravageurs. On a une estimation, parce qu'on ne peut parler que d'estimation, du nombre d'espèces d'insectes. Il y a des variations énormes. On parle de 5 millions ou de 80 millions. Est-ce qu'il y a une sorte d'entre-deux ou de quantité qui vous semble raisonnable, Benoît Gélin? C'est extrêmement difficile à dire. En préparant cette émission, j'ai relu une publi de 2002 de paru dans Nature qui estime entre 3 et 31 millions la diversité d'insectes dans le monde. Donc vous voyez, on a vraiment du mal à... Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1,2 million d'espèces qui ont été décrites. Mais évidemment, on est loin d'avoir tout décrit. François Lasserre? Oui, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas combien d'animaux ou d'êtres vivants vivent sur Terre, puisqu'on en a identifié 2 millions environ, et puis on estime à des estimations qui vont jusqu'à 100 millions. Alors parfois, les personnes les plus raisonnables parlent de 8 millions d'espèces au total, dont beaucoup d'insectes. En tout cas, à ce jour, les trois quarts des animaux, puisque tous les êtres vivants ne sont pas des animaux, sont des insectes. En France, un chiffre plus ou moins officiel était de 39 200, il a 10-15 ans, et puis en fait, a priori, ce serait plutôt 50 000 maintenant. Donc même en France, on découvre encore des nouvelles espèces et des groupes s'agrandissent. Mais cette histoire d'espèces, vous voyez, il y a un calcul qui dit que s'il y a tant d'espèces sur Terre, sachant qu'on en identifie 16 000 tous les ans, alors tous les êtres vivants confondus, parce qu'on en identifie environ 16 000 par an, avec le peu de moyens qu'on a, le peu de scientifiques capables de faire ça, on aura le nombre d'espèces dans 1000 ans. Donc de temps en temps, je ne sais pas où va nous mener tout ça. La liste des espèces menacées, par exemple, qui est la liste rouge de l'UICN, qui est une ONG mondiale, a recensé 66 000 espèces, je crois. Il y a 66 000 espèces sur les, vous l'avez dit, 8, 30, 100 millions d'espèces qui vivent sur Terre. Donc, et dans cette liste de l'UICN, vous savez combien il y a d'insectes? Alors, il y a très peu d'insectes, évidemment, puisque les naturalistes sont un peu comme tout le monde, et les scientifiques, ils aiment d'abord les mammifères, d'abord les oiseaux, et ensuite, à la fin, donc... Alors, il y a très peu de personnes qui bossent sur les acariens, par exemple, puisqu'ils viennent encore après les insectes sur l'échelle de valeur. Mais c'est vraiment une question. On va compter les espèces pendant combien de temps encore comme ça? Donc, c'est vrai que ça aide. Du coup, on a quelques repères. Mais finalement, faut vraiment s'interroger sur notre rapport aux insectes. Et ce que je remarque, c'est que les espèces qui nous embêtent, qui mangent nos récoltes, qui nous piquent, etc., sont, on dit, d'environ 5%. Il y a environ 5% des espèces sur Terre, et encore, ça va être encore un chiffre qui variera, mais c'est environ 5% des espèces. Donc dire que les insectes nous embêtent, c'est archi faux, puisqu'il y a 95% des espèces qui ne nous embêtent pas, et qui pollinisent, recyclent, etc. etc. Et puis, dans ces 5%, c'est pas tous les individus de toutes ces espèces, c'est seulement quelques individus. Donc on traite les insectes à partir de quelques indésirables, certes, mais on met les insectes tous dans le même panier. Donc du coup, quand on se dit qu'on traite contre les insectes, par exemple dans un champ, ou quand on aménage une ville et qu'on fait des choses un peu contre les insectes, en fait on fait contre certaines espèces, mais il y en a une quantité incroyable d'autres qui n'ont rien demandé, qui ne nous embêtent pas, qui nous apportent beaucoup, alors si on est un peu anthropocentré, qui nous apportent beaucoup, puisqu'ils pollinisent nos fruits et légumes. Mais quoi qu'il arrive, on est entouré d'un nombre incalculable d'espèces. On a tous mis 4 milliards d'années à en arriver là. On ne sait pas trop pourquoi. Et c'est surtout notre rapport aux animaux non humains qu'il faudrait corriger. Pour qu'une tendance puisse s'inverser, c'est vraiment ça. Parce que si on commence à dire ils sont importants, etc., il y a des gens qui... Vous voyez, vous dites c'est très important, les insectes nourrissent les oiseaux. Mais il y a plein de gens qui vont dire, moi j'en ai rien à faire des oiseaux. Il y a un système bien connu hein, pour essayer de sensibiliser l'opinion publique qui a été utilisé notamment pour donner la valeur marchande. Vous savez, ça, d'un seul coup, ça permet de conceptualiser un peu mieux. Une étude de 2006 qui a été publiée dans Bioscience estimait la valeur économique des services écosystémiques rendus par les insectes à plus de 57 milliards de dollars par an pour les seuls États-Unis. Est-ce que c'est ce genre d'étude ou de chiffrage qui peut permettre de donner l'importance, la mesure de l'importance que l'ensemble de la population d'insectes rend aux écosystèmes naturels, François Lasserre? Alors, c'est sûr que ça aide. Il y a des gens qui aiment bien les chiffres, il y a des gens qui aiment bien les euros, il y a des gens qui aiment bien le miel, donc il y a des... etc. Mais n'oublions pas qu'on ne sait pas trop pourquoi on est sur Terre. Il n'y a pas beaucoup de sens à tout ça, hein, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et on est tous des êtres un peu irrationnels. Donc du coup, nous, à l'Office pour les insectes et leur environnement, évidemment, il y a un service, il y a un département scientifique, naturaliste, et puis il y a un département de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Et là, on va essayer d'aller sur des aspects un peu plus émotionnels, un peu plus sensoriels, parce que on sait aussi qu'on est complètement irrationnel. Et si vous voulez convaincre un agriculteur qui n'aime pas les chiffres ou les oiseaux ou je ne sais quoi, ou eh bien, on peut de temps en temps y aller sur quelque chose d'un peu plus émotionnel et d'interroger vraiment. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de tuer tout le temps? En France, on est un peu, on tue avant de réfléchir. Il y a un joli bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Les Français et la nature, où on voit que les Français ont un peu un désamour avec la nature et les autres animaux. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut creuser. Benoît Gélin, un mot tout de même pour dire que, pour toujours extrapoler un peu, même si c'est très compliqué d'extrapoler, mais en l'absence de données, on en est réduit à cela. Cette étude faite sur les zones préservées en Allemagne, est-ce qu'elle peut laisser présager, on a fait ici récemment une émission sur la forêt amazonienne, d'une diminution des populations d'insectes dans les zones tropicales également, ou est-ce que là, pour le coup, on n'a vraiment pas du tout assez de données pour pouvoir estimer cela? C'est très difficile à dire. Dans les zones tropicales, on va avoir encore moins de données qu'autre part, mais il est sûr que ce sont aussi ces zones-là qui subissent de plein fouet les modifications des habitats, puisque en fait, quand même, la première cause de perte de diversité des insectes avant les pesticides, c'est quand même de la transformation du sol, le changement d'occupation du sol. Et c'est vrai que ces forêts primaires, c'est celles qui sont exploitées actuellement, c'est celles également qui mettent beaucoup plus de temps à faire une résilience, c'est-à-dire à retrouver un état de fonctionnement initial. Et finalement, ces écosystèmes sont les plus fragiles et c'est ceux sur lesquels on a le moins de données. Je voulais également revenir sur ce que disait François sur la sensibilisation du grand public, parce que c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Alors nous, au niveau de la recherche, on fait des fêtes de la science, on fait des conférences grand public, mais c'est vrai que au-delà des insectes qui sont, on va dire, emblématiques. Donc on peut parler des abeilles, mais on peut également parler des papillons, des libellules, ou même de certains jolis coléoptères. Eh ben, on a beaucoup, beaucoup de mal à sensibiliser les gens, parce que c'est vrai que soit les gens en ont peur, soit, dans le meilleur des cas, ça les intéresse pas. Et du coup, l'argument, on va dire, économique, c'est-à-dire du service écosystémique, du chiffrage du service écosystémique, eh ben, ça devient une arme supplémentaire. Alors, moi, je suis pas trop fan de d'utiliser cette arme, parce que on rentre dans des chiffrages qui sont un petit peu déjà souvent très faux, et puis en plus parler au portefeuille, comme disait François, c'est pas toujours la bonne idée. Et puis on a l'impression avec ces chiffres, excusez-moi je vous interromps, on a l'impression avec ces chiffres qu'on peut dire 57 milliards, on peut dire 220 milliards, on peut dire 850 milliards. Ouais. Pff, finalement il y a le mot milliard, et que c'est des ordres de grandeur qui n'ont pas vraiment de valeur symbolique plus que la simple mention de l'ordre de grandeur milliard finalement. Absolument. Et puis comme disait Bernard Vessière dans le reportage que vous avez passé précédemment, on imagine mal de toute façon dire aux gens de prendre un petit pinceau et d'aller dans les champs de colza ou dans les champs de pommes, de pommiers, polliniser à la main toutes les fleurs qu'il y a pollinisées. Néanmoins, on peut ajouter quelque chose aussi suite à ce reportage qui date de 2007, c'est qu'aujourd'hui, la pollinisation à la main, ça se pratique, notamment en Chine, apparemment, dans certains... Non, François, je crois que c'est un hoax, cette histoire. Ah, c'est un hoax, cette histoire de la pollinisation à la main. Pour regarder des variétés, maîtriser la pollinisation croisée entre certains individus de pommes, pommiers. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc pas encore de pollinisation à la main. Bon, ça va. Non, pas encore. Alors justement, c'est une bonne. Enfin, j'aime bien cet exemple parce qu'on dit oh là là les abeilles, mais en fait il y a plein d'insectes pollinisateurs. Donc bien sûr. D'exterminer l'intégralité des insectes volants dans une région, ça apparaît quand même bon. C'est peut-être demain, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas encore le cas. Vous voyez, donc les fleurs de pommiers sont pollinisées par certaines abeilles, mais par aussi plein d'autres insectes. Par des papillons, par des mouches. Des mouches, des guêpes, des punaises parfois, etc. Vous aurez reconnu évidemment le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov, ici interprété par le quatuor à cordes de l'orchestre de la Philharmonie tchèque à Prague, puisque nous parlons des insectes, de leur disparition et des moyens d'y remédier. Nous en parlons avec Benoît Gélin, qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos collègues de France Bleu à Aix-en-Provence, qui est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille et chercheur à l'Institut Méditerranée de biodiversité et d'écologie marine et continentale, et avec ici en studio à Paris François Lasserre, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement. Alors on va tout de même faire un tour des raisons de cette disparition, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on a entendu les pesticides, on a entendu la modification de l'environnement naturel, le changement de type d'exploitation des sols, il faudrait peut-être ajouter la pollution, la destruction, le réchauffement climatique aussi. En fait, le problème, Benoît Gélin, dans ces taux de disparition, quels qu'ils soient de 80, de 30, de 40%, en tout cas aujourd'hui, on sait qu'il y a une diminution des populations de manière certainement incontestable, c'est que c'est de toute façon multifactoriel, et qu'il y a très peu d'études qui prennent en compte l'ensemble de ces perturbations là du milieu des insectes et de cette grande famille en plus qu'est les insectes. Oui, absolument. C'est beaucoup de paramètres. Ouais, il y a beaucoup de paramètres. Ce sont des effets multifactoriels. Donc, vous avez cité la fragmentation des habitats, l'utilisation de pesticides, d'intrants. On peut effectivement ajouter le réchauffement climatique, également les espèces envahissantes qui vont modifier l'écosystème et perturber les populations d'insectes. Et puis, on oublie les synergies qu'il peut y avoir entre toutes ces causes, parce que non seulement ces causes s'additionnent, mais en plus, elles peuvent rentrer en interaction et ajouter un effet supplémentaire qui serait inattendu. Et ça, on a extrêmement du mal, nous scientifiques, à le quantifier et à mesurer l'ensemble de ces causes simultanément. Alors, vous parliez par exemple de l'étude paru dans PLOS ONE, réalisé par nos collègues allemands. Mm-hmm. Ben, par exemple, eux, ils ont mesuré dans un rayon de 200 mètres autour de leur site le changement d'occupation du sol. Ils ont également mesuré les modifications météorologiques et climatiques sur les 27 ans de leur jeu de données. Mais ils n'ont pas pu mesurer la présence de pesticides aux alentours, les pratiques. Ils n'ont pas pu mesurer les variations, je ne sais pas, de l'habitat à l'échelle régionale. Donc tout ça, c'est des paramètres qu'on a du mal à prendre en compte simultanément. François Lasserre. Oui, c'est tout à fait ça. C'est plein de facteurs, mais il y a quand même quelque chose que les entomologistes ont constaté, c'est que il y a eu deux gros mouvements, deux grandes vagues après les deux guerres mondiales qui ont fait que les insectes ont vraiment fortement diminué. Et puis ce qu'on remarque dans les endroits où on a préservé la biodiversité, on peut l'appeler comme ça. Là, les insectes, ces insectes-là, se stagnent, voire augmentent. Donc, il y a quand même un constat qui paraît empreint de bon sens, mais bon, le bon sens, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est de dire, quand on laisse un endroit un peu tranquille, où qu'on essaye de le gérer de façon à ce que certaines espèces se maintiennent, ben ça fonctionne jusque-là. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que avec le réchauffement climatique, on va pas pouvoir déplacer la Camargue, par exemple, ou les réserves vont pas pouvoir remonter vers le nord. Donc, ce que je trouverais, plus on entend tous ces chiffres, plus on en sait sur la biodiversité, plus il y a des listes rouges, etc., plus les insectes disparaissent, enfin, tout continue. Alors, il me semble qu'une méthode, ce serait quand même, alors c'est radical, et mes amis entomologistes n'aiment pas forcément ça, mais ce serait de tout protéger tout le vivant. Quoi qu'on fasse, on se dit, tous les êtres vivants sont protégés, ou protégés, c'est peut-être pas le bon terme, et que quoi qu'on fasse dans la vie, à chaque fois qu'on s'installe, qu'on installe sa maison, qu'on gère une forêt, etc., on se dit, il y a d'autres êtres vivants à cet endroit-là. Qu'est-ce que je fais pour limiter les dégâts ? Parce que là, ces histoires de protection de la nature et de compter les espèces, ça aide une partie de la protection, évidemment, mais au final, on voit de moins en moins d'insectes. Et je pense que c'est pas ils, eux, c'est nous. C'est nous, en fait, ces 80%, on l'a cherché, finalement. Finalement, vous dites à n'importe qui ne s'intéresse pas trop à la nature, il y a 80% d'espèces d'insectes en moins, on saute de joie au plafond. Enfin, je ne vais plus me faire piquer, je ne vais plus me faire mordre, etc. Donc, on a quand même aussi cherché un peu à désinguer les insectes, beaucoup, en les mettant tous, beaucoup, dans le même panier. Mais c'est nous. Regardez un particulier qui achète une maison, un terrain. Il va acheter un terrain en friche. Il y a plein de vie sur ce terrain. La première chose qu'il va faire, c'est il va faire une pelouse, mettre du tuya, du gravier, et installer sa maison. Et à l'intérieur de sa maison, il ne tolérera plus aucun insecte. Donc, c'est OK, je comprends, c'est chez moi. On dit... Je ne les veux pas chez moi, je les veux ailleurs. Mais comme ailleurs, c'est privé aussi, et que la personne va faire la même chose, et que les humains occupent tout l'espace, parce que c'est vraiment une question d'occupation d'espace, beaucoup, finalement, les autres êtres vivants ne savent plus où aller. Mais ça commence par nous. C'est-à-dire sauf que François Lasserre, le couvert bâti, en termes de surface de couvert, n'est pas le couvert principal à l'origine de la modification des surfaces et des sols. Non, mais je vous prenais l'exemple d'un particulier, c'est-à-dire que même nous, on agit finalement contre les animaux non humains, à notre petit niveau. Mais donc, vous êtes un particulier, vous faites ça avec votre maison. Vous êtes un agriculteur, vous faites ça dans votre champ. Vous ne posez pas de questions. Vous voulez installer du colza à tel endroit, on ne se pose jamais aucune question vis-à-vis du non-humain. Je veux dire, il y avait des animaux non-humains à cet endroit-là. Vous allez vous installer et après moi, le déluge. Donc, un chef d'entreprise qui installe son siège social va faire pareil, installe son usine, etc. Le non-humain n'est jamais pris en compte, finalement. Il est traité comme une chose, comme un morceau de bois. On va essayer de réfléchir tout à l'heure aux solutions et à voir savoir comment faire pour remettre un peu de biodiversité, faire repartir à la hausse les populations d'insectes. Un mot tout de même peut-être, alors même si c'est effectivement, on l'aura compris, une approche très multifactorielle, parce qu'il y a plein de paramètres et qu'il y a plein de populations d'insectes qui ne réagissent évidemment pas de la même façon individuellement à la modification de ces paramètres. Vous le disiez tout à l'heure, Benoît Gélin, la première cause, certainement avant même les pesticides, on va reparler des pesticides dans un instant, c'est la transformation des sols. Hein. Oui, c'est vrai que le fractionnement, comme le dit un peu François, à chaque fois qu'on modifie l'habitat, on transforme le sol. Alors on va y mettre un champ, on va y mettre une maison, on va y mettre une usine, et on va profondément transformer un sol qui était, on va dire, naturel ou semi-naturel, ou sur lequel il y avait une forêt, une prairie humide, une tourbière, etc., etc. Et on va le changer pour en faire un habitat qui est exploité par l'homme. Et c'est vrai que en ce moment, il y a une actualité assez importante autour de cette perte de biodiversité. Il y a eu le fameux article dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis sur la perte de plus de 50% des populations de vertébrés à l'échelle mondiale. Il y a eu l'appel des 15 000 scientifiques dont j'ai fait partie pour changer nos pratiques. Le deuxième rappel à l'humanité pour changer nos pratiques et urgemment, sinon on allait tout droit vers une catastrophe biologique et pour l'être humain très importante. Et puis il y a cette étude allemande et tout cela c'est principalement dû au fait qu'on a changé l'occupation des sols et qu'on y a mis nos occupations à nous. Et à l'instant, la prolongation de l'autorisation d'utilisation du glyphosate pour 5 ans par la Commission européenne, décision qu'on attendait aujourd'hui et qui est tombée tout à l'heure. Peut-être aussi un mot tout de même sur les effets parce que sur la modification des sols, on peut signifier que par exemple la moitié des zones humides d'Europe ont disparu au cours du siècle dernier. Enfin, toutes ces statistiques, on les connaît ou on les a à partir du moment où on s'intéresse à cette question. Peut-être un mot également des quelques études que l'on aurait sur les modifications liées à la pollution atmosphérique ou au réchauffement climatique, aux modifications climatiques. J'ai pu lire par exemple que la phénologie des insectes pouvait être changée, c'est-à-dire que leurs cycles sont décalés par rapport aux cycles floraux quand ils sont pollinisateurs. On a des éléments là-dessus, des études, Benoît Gélin ? Oui, absolument. On commence à avoir des premiers éléments de réponse. Alors, on a des changements fonctionnels chez les pollinisateurs. Alors, il y a une étude dans les Alpes qui a été faite avec un raccourcissement, par exemple, de la langue des bourdons qui sont moins capables de rentrer en interaction avec certaines plantes à fleurs. Il y a un décalage phénologique dans le temps avec des fleurs qui sortent plus tôt que les insectes ou des insectes qui sortent plus tôt que les fleurs et qui ne rencontrent pas leurs partenaires. Il y a également des décalages phénologiques entre les proies et les prédateurs avec des problèmes au niveau des populations de mésanges qui ont du mal à trouver des chenilles pour se nourrir dû à ce décalage phénologique. Et puis, il y a certaines remontées en altitude de certaines espèces qui se fait plus rapidement, bien évidemment, chez les espèces mobiles comme les pollinisateurs que chez les plantes qui mettent plus de temps à monter en altitude suite aux effets du réchauffement climatique. Et je vous précise qu'on me souffle dans l'oreillette qu'il y a bien eu des expériences en Chine de pollinisation à la main à différentes reprises, dans le Sichuan notamment. Donc, ça n'était pas qu'un hoax, apparemment, ça s'est produit. Oui, ça s'est fait, on le voit. Il y a les images de gens qui pollinisent, mais c'était pas parce que 100% des insectes avaient disparu. Oui. C'était pour maîtriser la population. D'accord. Non, mais ces images existent, oui. Hein, on peut les trouver. Ben, on les voit bien faire, oui. Et du coup, on s'en sert en imaginant que c'est demain, et ce sera peut-être comme ça demain, éventuellement. Mais dans ce cas-là, c'est une maîtrise de la variété de pommiers. Revenons donc à l'autre problème majeur qui concerne justement nos amis les insectes et qui produit une littérature scientifique très surprenante dans son inégalité. Il s'agit bien sûr des pesticides, hein, parce que s'il semble évident pour tout un chacun qu'il y a un lien entre la baisse catastrophique de la population d'insectes et l'usage massif de pesticides, eh bien ce lien est souvent sujet à discussion, études, contre-expertise, études inverses. La littérature scientifique, je vous le disais, est assez houleuse. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé, vous, à la rencontre d'une équipe de l'Institut d'écologie et de sciences de l'environnement à l'Université Pierre et Marie Curie, qui étudie l'olfaction des insectes. Oui, je suis allée voir l'équipe de Mathieu Daché, qui fait de l'écologie sensorielle. Les expériences qu'ils font portent sur la neurobiologie de l'olfaction des insectes. En ce moment, ils étudient l'effet combiné de plusieurs pesticides sur un papillon de nuit. L'idée est de les isoler à différents stades de développement et de les exposer à des quantités non létales de produits toxiques. Alors le but est de comprendre la perturbation au niveau moléculaire dans leur système neuro-olfactif et surtout de voir quelle est la traduction au niveau comportemental. les gens qui vont faire des neurosciences des insectes ou la physiologie de l'insecte vont s'intéresser aux toxines. Parce que beaucoup d'insecticides sont faits des neurotoxines. Ce qu'on fait, c'est qu'en étudiant dans des conditions de laboratoire, on expose les insectes à différentes doses de toxiques pour dire, quand elles ont telle dose, elles sont intoxiquées. Quand elles ont une dose un peu plus faible, seule la moitié vont mourir, etc. Et on se rend compte que ça permet de formaliser le problème, d'avoir un certain nombre de quantifications théoriques. On dit, quand elle absorbe telle dose, 50% vont mourir. Ça s'appelle une dose létale 50. Et on se rend compte que, dans la nature, elles ne sont pas exposées à de telles doses. Donc on vient à se dire, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'animal n'est pas exposé à une dose qui va le tuer, mais à peut-être un centième de cette dose létale 50, c'est-à-dire la dose médiane qui va tuer la moitié d'un échantillon d'insectes. Qu'est-ce qui se passe par contre si on mélange, ce qui est en fait la réalité, plusieurs sortes d'insecticides différents, si elles sont déjà en train de tolérer quelque chose qu'elles n'aiment pas, et si on leur met une contrainte supplémentaire sous la forme de plusieurs sortes d'insecticides, il faut montrer dans la nature quelles sont les doses sublétales, c'est-à-dire non mortelles, auxquelles les insectes sont exposés, et savoir ensuite qu'est-ce qui se passe. Alors, le type d'expérience qu'on fait, c'est sur le volet papillon, c'est de dire l'animal est exposé à une perturbation quelconque, ce qui peut être un pesticide ou qui peut être n'importe quel produit toxique de l'environnement. Le papillon, lui, va être souvent spécialisé. C'est pour ça qu'on étudie les papillons. Les papillons ont une réponse très spécialisée. Les mâles répondent à une phéromone sexuelle émise par les femelles, c'est-à-dire une odeur émise par les femelles auxquelles ils sont ultra sensibles et qui font qu'ils vont suivre cette odeur à une très longue distance. À partir de là, à partir de ce paradigme, on peut poser la question, que se passe-t-il dans le comportement reproducteur du papillon lorsqu'il est exposé à tel ou tel trouble? Est-ce qu'ils vont s'accoupler normalement? Est-ce qu'ils vont répondre normalement aux phéromones femelles? Nous, on étudie un niveau moléculaire, par exemple, ce qui se passe. Enfin, d'abord, niveau comportement, en fait, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on met un pesticide sur l'insecte, donc voir sa réaction face au comportement, face au développement aussi de l'insecte, par exemple, tout ce qui est développement post-embryonnaire, et aussi tout simplement mortalité, en fait, s'il meurt ou pas, quelque chose de simple. Par exemple, ici, on a différents insectes. Donc, par exemple, on a un élevage de Sphodoptera littoraïs. C'est un insecte ravageur de culture et qui se situe principalement sur le pourtour méditerranéen. Et donc par exemple, mon collègue, là, Thomas, il va vous montrer niveau développement, en fait, parce que ça passe par 7 stades larvaires jusqu'au stade chrysalide. C'est la formation de la pupe, en fait, avant l'émergence, donc avant le passage en adulte. Alors, donc sur cette espèce de papillon de nuit, donc c'est un ravageur donc des cultures, donc on passe à peu près par 7 stades larvaires. Donc selon les stades, alors déjà de manière générale, les larves sont plutôt noires. On passe vraiment par des tailles différentes. Donc que ce soit, donc alors les œufs sont vraiment, c'est des petits amas en fait d'œufs qui sont déposés les uns sur les autres. Ensuite, on va passer donc par des larves vraiment, mais toutes petites. Au tout début, le premier stade larvaire, en fait, on les voit à peine à l'œil nu, donc elles font peut-être 1 ou 2 mm, enfin, elles sont vraiment très très fines. Et donc, au fur et à mesure des mues, les larves, en fait, elles vont grossir. Je sais pas, la taille maximum d'une larve. Là, on doit être à peu près ça, c'est à peu près la taille maximale, donc on doit être à peu près à peut-être 3 cm, enfin, quelque chose comme ça. Et elles vont se recroqueviller comme celles qu'on voit par exemple ici. Et après, elles vont passer au stade donc chrysalide, comme par exemple ce qu'on peut voir ici. On a aussi des possibilités de comportement donc, qu'on peut voir ici. Donc, on peut observer l'attraction de papillons vis-à-vis d'une phéromone qui est libérée, mais aussi même au niveau des chenilles, par exemple. Donc ici, on teste un aliment attractif. Du sucre. Alors pour la chenille ici, ça va pas forcément être du sucre, mais par exemple pour certains papillons ou des abeilles, on peut très bien tester des doses de sucre. Par exemple ici, on coince, on va dire, un papillon et on lui envoie certaines odeurs, ou alors on peut lui présenter différentes récompenses sucrées et on observe le déroulement de la trompe, donc voir si selon un aliment plus ou moins sucré l'insecte réagit. Donc tout ça, c'est au niveau de la neurobiologie de l'olfaction, voir s'il répond plus ou moins à certaines doses de sucre. On arrive à faire des petits tests comme ça de comportement pour comprendre un peu ce phénomène d'olfaction vis-à-vis d'un environnement chez un insecte. Ce qu'on vous montre depuis tout à l'heure, c'est des choses assez globales. Est-ce qu'il y a de la mortalité, pas de la mortalité? C'est des tests assez visuels. Mais on peut aussi, en tout cas au laboratoire, on est apte à le faire, des études plus poussées, donc niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a aussi des gros phénomènes de résistance qu'on retrouve en champ, notamment chez les pyréthrinoïdes. Et donc d'aller savoir en fait qu'est-ce qui se passe. au niveau moléculaire. Pas seulement, il a résisté, mais pourquoi ? Une adaptation au niveau génomique qui pourrait se transmettre à la descendance. Voilà, exactement aussi. Donc on peut faire des études génomiques, transcriptomiques, métabolomiques, on peut regarder à différentes échelles, en fait, pas que de l'individu, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à des échelles plus précises. Dans cet institut, on a cet avantage, c'est qu'on essaye de voir chaque mécanisme, chaque partie de ce comportement neurobiologie de l'olfaction, donc aussi bien vraiment précisément en allant voir ce qui se passe au niveau du cerveau de l'insecte ou des choses comme ça, et aussi au niveau comportemental, comme ça on a vraiment un panel complet de l'effet d'odeur, c'est pas forcément des pesticides mais même des odeurs en général sur un insecte. Voilà le reportage du jour à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement. Votre réaction à ce que vous venez d'entendre, Benoît Gélin ? Oui, c'est des travaux absolument majeurs qu'ils font parce que, effectivement, on se rend compte que les néonicotinoïdes, ces pesticides dont on parle souvent, ont tendance à affecter donc le système nerveux des insectes et à les désorienter. Mmh. Et donc ça, c'est mon collègue Michel Henry de l'INRA d'Avignon en 2012 qui avait mis ça en évidence chez les abeilles domestiques et qui avait montré que un faible taux, donc vraiment un taux, comme ils disent dans le reportage, sublétal, allait modifier le comportement des abeilles qui n'allaient plus avoir la possibilité de rentrer à la colonie, à la ruche, qui allait s'égarer, et cela allait affaiblir évidemment la population d'abeilles domestiques. Alors c'est également le cas, ces effets chez d'autres insectes. Alors c'est vrai que vous l'avez dit plusieurs fois, on étudie beaucoup les abeilles et peu finalement les autres insectes, mais il y a eu des tests de l'effet des néonicotinoïdes sur d'autres insectes, notamment chez des petits hyménoptères parasitoïdes. Et là, l'étude a montré que simplement un nanogramme, alors il faut se rendre compte que c'est un nanogramme, c'est extrêmement faible comme dose, simplement un nanogramme de néonicotinoïdes allait modifier le comportement de ces guêpes parasitoïdes et qui allait avoir une baisse de leur succès reproducteur et surtout une baisse pour trouver l'hôte dans lequel pondre leurs œufs. Donc on a un peu le même mécanisme chez ces guêpes parasitoïdes, c'est-à-dire elles vont être également désorientées, elles vont avoir du mal à trouver leur hôte. Donc c'est vrai que ces recherches sur le système neurologique des insectes sont majeures pour comprendre comment ces néonicotinoïdes affectent le comportement des insectes. On entendait le reportage tout à l'heure qui datait de 2007 où on voyait tout de même une sorte de lien de causalité assez manifeste entre l'épandage de ces types de pesticides type néonicotinoïdes et le résultat sur des ruches. Pourquoi, François Lasserre, est-ce qu'il est si difficile d'obtenir, de trouver un consensus scientifique sur l'effet de ces pesticides sur les insectes pollinisateurs et vraisemblablement sur un certain nombre de taxons? Là, on est dans les mystères de la biologie. C'est toujours très difficile. C'est varié. Ils sont nombreux. Il y a différentes périodes de l'année, différentes saisons. C'est des choses extrêmement compliquées à mettre en place. Et puis vous avez toujours des exceptions dans les insectes. Certains voudraient parler de biocides plutôt que pesticides ou insecticides, parce que insecticides et pesticides, ça voudrait faire croire que ça tue que les insectes et les mauvais, on va tuer que les mauvais insectes. Et en fait, avec le terme biocide, on serait plus proche de la réalité, c'est-à-dire que ça a un impact sur l'environnement, sur tous les insectes présents, les animaux non-insectes, et les agriculteurs, les autres arthropodes, certains agriculteurs, et puis évidemment tous les autres animaux, ceux qui mangent des insectes. Donc, on préférerait parler de biocides. Il y a une étude récente, qui date du 15 novembre dernier, qui porte sur les fongicides, dont on imaginait qu'a priori, elle avait pour but de tuer donc les fungus, les champignons. Or, manifestement, ces fongicides auraient là aussi des effets délétères sur les insectes à de très faibles doses. Benoît Gélin, vous avez vu passer cette étude ? Oui, alors il faut voir que quand on met un produit chimique dans la nature ou sur un champ, c'est absolument pas anodin. Donc quand ça peut être un herbicide, alors vous venez de m'apprendre la mauvaise nouvelle sur le glyphosate. Je pensais pas à titre personnel que ce serait renouvelé. Que ce soit un fongicide ou un biocide, pesticide, en fait c'est absolument pas anodin et la réaction en chaîne qu'il y a derrière cet épandage. est souvent très mal maîtrisée. On se rend compte a posteriori, en lisant des études ou en réalisant des travaux scientifiques, que finalement, au bout de la chaîne, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est une mortalité accrue pour les insectes, et c'est une mortalité accrue, et c'est évidemment des conséquences délétères pour le fonctionnement des écosystèmes. Il nous reste une petite dizaine de minutes avant la fin de cette émission. J'aimerais tout de même qu'on aborde les solutions ou je ne sais pas si on peut parler de solutions d'ailleurs, François Lasserre. Est-ce qu'il y a des perspectives qui permettraient d'endiguer, de faire revenir, de faire repartir la biodiversité, c'est-à-dire autant la connaissance sur ces différentes populations d'insectes qui sont en chute libre, mais aussi sur la diversité, c'est-à-dire encore une fois sur la quantité et sur la variété de ces insectes. Alors à très court terme, ça paraît difficile de faire revenir ces 80% d'insectes volants, par exemple en Allemagne. Évidemment, on a mis beaucoup de temps en arriver là. Notre occupation des terres est absolument globale et mondiale. On est absolument partout. C'est pour ça que je vous parlais de quelque chose d'un peu plus global, de considérer le non-humain comme quelque chose d'intouchable, entre guillemets, sauf quand nos intérêts sont vraiment évidents, quand on doit manger, se nourrir, se loger, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un traitement de tout le vivant qui, à mon avis, est à changer. Donc, j'irai plus sur les pas de la philosophie. C'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que demain, la nature soit silencieuse, qu'on n'ait plus de petites bêtes, qu'on croise plus personne? Alors, peut-être que des populations d'humains arriveront à cet état-là. On parle de l'amnésie environnementale. Vous voyez, moi, par exemple, je suis né sans mammouth, ça ne m'a pas gêné. Pourtant, il y a des humains qui vivaient avec des mammouths, et peut-être que certains, à l'époque, se disaient « Oh là là, mais si les mammouths disparaissent, ça va être horrible. » Mais bon, moi, je suis né sans mammouth, ça ne me fait rien. Bon, alors peut-être qu'il y aura cette amnésie environnementale. Ce qui inquiète évidemment ceux qui connaissent un peu la nature, c'est, comme l'a dit Benoît, c'est est-ce que ce fonctionnement des écosystèmes va pouvoir fonctionner sans cette faune? Mais est-ce que vraiment, nous, chacun de nous, est-ce qu'on veut que, quand on se balade, on soit absolument seul? Parce que notre façon d'occuper l'espace, de se comporter, de consommer, d'acheter, etc., fait que ça a un impact sur tout le reste du vivant. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'éducation à l'environnement, l'éducation à la nature, avec, par exemple, l'Office pour les insectes et leur environnement. À l'OPI, on a ouvert très récemment une magnifique maison des insectes à Carrières-sous-Poissy, qui est absolument magnifique. On a essayé de présenter... Qui consiste en quoi? Vous pouvez nous Alors, c'est une présentation, c'est une muséographie très originale, très jolie aussi, enfin, c'est un peu subjectif, mais assez épurée, vraiment originale, autour, à partir d'insectes vivants, et on va notamment sur les idées reçues, parce que ce dont on se rend compte, c'est que, si vous parlez des insectes, hein, la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont que des idées reçues en tête sur les insectes, qui piquent, etc., etc., et à cause de quelques espèces, justement. Et du coup, si vous n'arrivez pas à désinguer quelques-unes de ces idées reçues, on est obligé d'en passer par les idées reçues. Et donc, cette muséographie tourne pas mal autour des idées reçues du public, parce qu'on a du mal à passer la vitesse supérieure, tant que cette image extrêmement négative des insectes ne sera pas un peu plus effacé. Benoît Gélin, est-ce que il y a des solutions à mettre en place à court ou à moyen terme? Je ne sais pas, je pense par exemple au fait de favoriser la jachère, de réduire un peu l'utilisation extensive des sols, évidemment de réduire, parce que si je viens de vous apprendre la nouvelle pour le glyphosate, par ailleurs sur les néonicotinoïdes, normalement leur usage va être interdit en France en 2018 avec des possibilités d'exception jusqu'en 2020, mais enfin on arrive normalement au bout de l'utilisation de ce type de pesticides. Le 23 novembre dernier, le tribunal de Nice a ordonné la suspension de l'autorisation de mise sur le marché de deux pesticides à base de sulfoxaflore, qui est aussi apparemment relativement toxique. Est-ce que il y a tout de même une volonté de prendre au moins quelques-uns des facteurs et peut-être de pouvoir jouer encore une fois sur ces interdictions, sur le retour de la jachère, sur une diminution de l'intensivité de l'agriculture? Je ne sais pas, quelles sont vos pistes? Oui, je pense qu'il faut pas désespérer, il faut évidemment agir de tout notre poids sur nos décideurs politiques et puis essayer de continuer à éduquer, à parler, à communiquer autour de ça, parce que effectivement on voit que lorsque l'on met en place des mesures de protection, très souvent ça marche, et donc il faut le faire. Au rayon, je pense, des mesures à mettre en place, il y a d'abord étendre les zones protégées, étendre les parcs nationaux, étendre les réserves naturelles. En faisant ça, on va permettre à toute une faune d'insectes de survivre et de se maintenir. Et puis effectivement, Et ça, c'était bien dit dans l'article, le second warning à l'humanité, le deuxième, la deuxième mise en garde à l'humanité. Ouais. C'est que il faut changer nos pratiques à nous et il faut faire absolument attention à arrêter ces épandages agricoles de pesticides, de biocides, ou du moins les diminuer très fortement. Il faut interdire les produits qui sont trop nocifs pour l'environnement. Il faut changer également nos modes d'alimentation, peut-être aller vers une agriculture qui est moins demandeuse de ces produits-là. Et puis, effectivement, on voit de plus en plus des petites initiatives se mettre en place. Alors effectivement, vous avez parlé de la mise en place de jachères fleuries, de bords de route fleuries. On peut parler de certaines villes qui mettent en place, comme à Marseille, ici on a mis en place des hôtels insectes dans de nombreux parcs. Alors évidemment, on ne sait pas si ces hôtels insectes vont vraiment avoir un rôle dans la conservation des insectes. Mais néanmoins, ça permet de communiquer, ça permet de montrer, ça permet d'apprendre aux gens que les insectes sont importants. Puisqu'à chaque fois, il y a des panneaux qui sont associés à la mise en place de ces hôtels insectes. On peut penser aussi à casser l'imperméabilisation des sols urbains en mettant en place des toits végétalisés, etc. etc. Donc il y a des mesures qu'on peut mettre en place. Et je pense que les pouvoirs publics, quand ils veulent mettre ces mesures en place, ça va souvent très vite. Et ça peut avoir des conséquences bénéfiques pour l'ensemble de la faune, mais encore faut-il qu'il y ait une vraie volonté politique de mettre ces mesures en œuvre. Et au niveau individuel, François Lasserre, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui, comme on fait souvent ces émissions consacrées aux vivants, sont intéressés par les sciences participatives, veulent faire quelque chose sur un bout de balcon, sur un bout de jardin, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place à titre personnel ? Alors, bien sûr, vous pouvez, de toute manière, vous interroger. À chaque fois que vous vous installez quelque part, il y a des insectes. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que quand il y a un nid de guêpe, je vais tout de suite appeler quelqu'un pour les détruire. Est-ce que je m'installe quelque part, je détruis un peu de nature, entre guillemets, et du coup, je vais compenser à côté, proposer des abris. Je veux participer et faire ma part de façon scientifique. Je m'inscris sur un des programmes de sciences participatives, par exemple sur Viginature. On va vous mettre les liens sur le fil Twitter. Je m'interroge, je vais me renseigner, je vais par exemple à la Maison des Insectes ou dans n'importe quelle autre structure qui fait de l'éducation à l'environnement partout en France. Et puis surtout vraiment s'interroger. Moi, regardez, quand vous écrasez une araignée comme ça avant de réfléchir dans une maison, en fait, tout le monde fait ça finalement. Un agriculteur fait ça, n'importe qui fait ça. On a un rapport en Occident avec les autres animaux un peu particulier. Et puis on a aussi des catégories on catégorise le vivant. Alors c'est super qu'il y ait des réserves, mais je trouve qu'il y a un travers. C'est super de faire des réserves et pensons aussi à côté, parce que parfois on se dit là il y a une réserve, du coup je peux mettre plein de maïs à côté qui vont nourrir des cochons mal élevés en Bretagne et je m'en moque, mais il y a une réserve à côté. En fait, il y a des insectes et des animaux absolument partout, et on se rend compte que même les insectes ou les oiseaux ordinaires, comme par exemple les moineaux à Paris, commencent à diminuer. Donc même la faune ordinaire commence à diminuer. Donc les insectes sont absolument partout autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait nous individuellement pour les accueillir, ou en tout cas pas les faire fuir? Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je consomme? Qu'est-ce que je fais moi? Mais c'est vraiment pas toujours... c'est bien de signer des pétitions, etc. Je vois passer beaucoup de pétitions, mais on s'est pas trop incarné chacun. On dit beaucoup faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tous tout à fait parfaits vis-à-vis des animaux autour de nous. Et c'est s'interroger chacun. Ça va prendre du temps. On a mis beaucoup de temps en arriver là. On a utilisé des produits qui sont extrêmement puissants. On peut lentement et sûrement se sensibiliser à tous ces animaux qui nous entourent. Voilà, vous retiendrez le coup de journal lorsque vous découvrirez une araignée chez vous et vous ferez comme tout un chacun, la prendre sur une feuille et la relâcher dehors. Vous aurez sauvé un insecte, et un insecte plus un insecte, et bien ça fait beaucoup d'insectes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Benoît Gélin, merci aux camarades de France Bleu Provence à Aix pour le duplex. Merci François Lasserre, je rappelle l'un de vos nombreux ouvrages, Musée vivant des insectes, avec Anne de Angélis aux éditions de La Martinière, et puis on va mettre les autres livres sur le fil Twitter et sur la page de l'émission sur le site franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Hugo Bartholomé, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique et Thibaut Gouffier au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, dans le grain à moudre tout à l'heure, ce sera après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, Hervé Gardette revient une nouvelle fois sur la loi travail, cette fois c'est vraiment la bonne, réponse tout à l'heure à 18h20, dans un instant, nouvelle semaine de série documentaire LSD, cette semaine en mal de toi, TOIT, état des lieux du mal logement, c'est une série de Jérôme Sandlars, réalisée par Véronique Samuilov, et pour ce qui nous concerne, eh ben, demain, on va remonter un peu les manches de la blouse. On s'attaque à un état exotique de la matière. On vous parle du condensat de Bose-Einstein. Il a été prévu, prédit en 1925, observé 70 ans plus tard en 1995. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.